Alright, directement de l'hôtel Les Suites à Ottawa. Hey, hey, hey! Geek Collectif! Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir, ouais, ouais, bonsoir. Pas trop brûlé, les boys? Non, non. Non? Relax? Très bien. Mal d'un pied, mais gars. Ce n'est qu'un début. Ouais, je pense que mon move de Gogun aujourd'hui, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Là. Non, mais il y a eu des imprévus, je pense, de notre part et peut-être même de la part du monde du Comic-Con. Ouais, fait que ouais, ça n'a pas aidé nos décisions vestimentaires pour tout le monde. Donc, nous sommes live d'Ottawa pour une seule et unique raison. On est en train de faire la couverture d'Ottawa Comic Con aujourd'hui, demain et dimanche. Dans le fond, ce qu'on vous présente, c'est le premier épisode récapitulatif de notre journée. Il va en avoir un à chaque soir. En plus du contenu exclusif qu'on va fournir sur le site plus sur la page Facebook durant le jour. On vous invite à nous tweeter si vous avez des questions, des trucs que vous voulez qu'on regarde. On va essayer d'être vos yeux et vos oreilles sur le plancher. Que je dois dire, il était vraiment cool. Là. C'est super. C'est pas petit comme Comic-Con. C'est beaucoup plus grand. En tout cas, ben, pour la section marché puis ces affaires-là, là, c'est beaucoup plus grand que je pensais. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Ouais. Ben, moi, je pensais que c'était pas être. Parce que Comic-Con Montréal est quand même assez imposant. Ils ont déplacé l'emplacement. Ils ont changé de spot deux, trois fois à date. Mais je pense que Palais des Congrès, ça commence à être vraiment winner pour eux autres. Mais ici, c'est quoi, Ernest Young? Ernest Young, ça fait six mois que c'est construit, c'est tout nouveau. Un c'est vrai gros centre de conférence. Ouais. Que je suis convaincu qu'ils font de l'échange de vaches là-dedans aussi. Là, c'est des cattle calls là-dedans. Là. Ils vendent du livestock aussi. Là. Je sais pas, c'est énorme. D'où le fait qu'ils se sacquent pas mal d'avoir des ondes de réception cellulaire à l'intérieur de leur bâtisse. Il y a quoi qui se passe là-dedans? C'est comme un trou noir d'ondes cellulaires. J'ai jamais vu un spot comme ça. Là. Excusez-moi. Vidéotron, il rentre bien quand même, je trouvais. Ben, il rentrait quand même correct, mais c'est vraiment bien, par bout, il restait juste comme une barre. Ah, moi j'ai été surpris de la place, sérieusement. Là, comme, moi, je compare à l'année passée au Comic-Con, puis c'était comme, waouh, il y avait quatre rangées de BD, puis une couple de t-shirts, des affaires de même, puis je trouvais, tu sais, ok, là, j'ai fait le tour, là, je sais qu'est-ce que je vais acheter. Là, ça a pris quasiment toute la. Deux tiers de la journée au complet, ouais, faire le tour. On n'a pas tout vu encore. J'ai spoté les affaires à peu près qui m'intéressent plus, mais il va falloir que j'aille passer du temps à fouiller dans les comics. Pis, les t-shirts, c'est ça. On n'a pas fait le tour. Il y a une affaire qui me surprend, par exemple, c'est que les prix sont. Les taxes sont inclus dans les prix à Comic-Con de Montréal. Puis ici, on dirait à chaque fois que j'ai vu, ça dépend. Plus taxes. Ben, gars, j'ai acheté. Ma bouffe était pas taxée. Puis. C'est quoi, les comics à une pièce, ils t'étaxent pas. Mais les t-shirts, il y avait de l'air tout taxé. Puis. Mais ben, je pense que ça dépend des kiosques. C'est weird à dire, là, mais. C'est. Je sais pas. Mais il y a du stock vraiment intéressant, de la marchandise, le fun. Des comics gratuits quand t'as une pause de luxe. Un comics chaque. J'ai eu mon Ninja Turtle, fait que je suis content. Ninja Turtle. Oh oui, monsieur. Moi, je savais pas, Eric, on a le même de G.I. Joe. Mais je dois donner. Il est cool pareil, G.I. Joe. Je l'ai avec le Parlement en arrière et tout ça. Là. Je trouvais ça quand même. Attends, il y a le Parlement en arrière des G.I. Joe. C'est le spécial Ottawa Comic Con. C'est quand même cool. Je viens de réaliser que le back en arrière, c'est Danger Girl. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Danger Girl, on dirait. Ben, moi, j'étais content. Nick, c'est quel t'as eu, toi? Doctor Who. Ok, ah, c'est vrai, t'as eu Doctor Who. Hey, t'as avait quatre covers. L'autre, c'était quoi? C'était Star Trek, je pense. Star Wars. Ouais. Il y a Star Wars puis Star Trek, c'est plus dessus? Je sais pas. Non, Star Trek, t'as raison. Ouais. Il y en avait quatre covers. Parlant de Doctor Who, là, tantôt. Moi, je t'échange mon G.I. Joe pour ton Teenage Mutant Ninja Turtles, André. Dude. C'est moindrement. Moindrement. T'avais réfléchi à la question. Oh, j'ai réfléchi. Crois-moi, écoute, j'ai réfléchi. Je savais où ça s'en allait. Je t'adore, mais... Ninja Turtles. Je tiens juste à dire ça. Mais c'est ça, tantôt, tu parlais de Doctor Who pour ton comic, mais quand ils ont fait la balade, les Daleks qui se promenaient, il y a des gens, là, puis il y en avait un qui était dans un des Daleks, puis il parlait. Oui, mais c'est le leader. Puis il a dit à un gars, il arrive, puis il fait comme, wow, t'as peur, puis il fait signe comme avec sa main, tu sais, d'arrêter pour prendre une photo. Puis le gars dedans, il dit, you will take your picture, human. J'ai trouvé vraiment écœurant, tu sais, dans son rôle, puis c'était vraiment cool, tu sais. C'était comme des gens de. C'est remote control un peu. Non, non, ils sont assis dedans, puis ils se promènent, puis ils conduisent. C'est vraiment cool, là. Mais. Moi, ils me font toujours peur, ces bébêtes-là. Je sais pas si c'est à cause que j'ai regardé ce Doctor Who quand j'étais kid ou. C'est imposant, c'est comme un robot des années 60, mais c'est quand même imposant. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme là. Du rétro-futur. Il est gros, là, pareil. Non, non, c'est écœurant, puis. Ils sont quand même bien faites. Je pensais pas c'était Doctor Who tantôt, je regardais le neck. Je pense que c'est dans Lost in Space. Ouais, c'est ça. J'avoue que ça fit avec Lost j'avais in Space. Je savais même pas de ça. Je trouvais même pas le nom de ça. C'est Nick qui l'a trouvé que c'est de ça que je voulais parler. Donc, première journée, là, c'est qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qu'on se souvient là, dans le fond? Là? Mis à part le fait qu'on a réussi à shifter un line-up avec les passes de luxe. Pour les gens qui viennent deux heures d'avance. Ouais. Ouais, mais on a payé pour, fait que c'est pas comme ouais, mais c'est si. Pas si bien, mais c'était 30$. Ça vaut la peine. Parce que c'était pas un line-up de il y avait une couple de mille de personnes. Puis même là, c'est pas 30$ de plus quand tu penses à toutes les. Si tu prends les journées séparées, normales, ça te coûte plus cher que la passe qu'on a achetée. Non, non, c'est ça. Puis t'as pas un sac, t'as pas un comic comme on a eu, puis des cassins. Non, c'est vraiment bien. On a fait une couple de panels aujourd'hui. Les panels, dans le fond, pour les gens qui sont jamais allés dans un Comic-Con, Comic-Con, oui, c'est sûr qu'il y a les allées marchandes. Donc, autrement dit, il va y avoir des gens qui vont vendre des bandes dessinées, des gens qui vont vendre des t-shirts, des choses comme ça. Gens qui vendent leur bande dessinée. Des gens qui vendent leur collection. Des artistes directs autant que des magasins de... Ben, tu sais, des artistes locaux, le monde, on peut se faire dessiner, on peut demander à notre artiste préféré de dessiner quelque chose. Mais il y a aussi des genres d'ateliers. Ben, des ateliers, non, c'est pas. Ben, oui, c'est interactif parce que les gens posent des questions. Puis, on se retrouve dans des salles. Puis, aujourd'hui, dans le fond, nous, on a eu la chance d'assister à deux panels. On a eu Billy Dee Williams, mieux connu sous le nom de Lando le traître calrissien. Le black dans Star Wars, comme c'est on ça. Dit. Là. Le black dans Star Wars. Le gars le plus cool de l'univers. Puis l'autre atelier, dans Star Wars, là, mais c'était l'atelier de Lawrence Fishburne. LeVar Burton. Ah, excuse. LeVar Burton. Ben, en tout cas, l'ingénieur dans Star Trek The Next Generation. Le black dans Star Trek qui a des genres de lunettes bizarres. Là, c'est ça, exactement. Qui a été inspiré par une pause que les filles se mettent des choses. Ouais, c'est ce qui comptait, hein. Selon vous, là, la dynamique, tu sais, là, on a eu une rivalité. Mais commence aujourd'hui, par le premier, là, au pays. OK, là, on va expliquer, là. Fois, là. Billy Dee Williams, ouais. OK. Premièrement, moi, il y a une affaire, j'ai remarqué. Gros respect pour le monsieur. Attendre dehors, tu sais, c'est une affaire qui est étrange un peu. Comic Con Montréal, il faut attendre à l'intérieur, c'est sûr, ils ont plus d'espace. Mais Ottawa Comic Con, les line-up qu'ils font pour les panneaux, ben, il nous faut attendre dehors sous une tente. Ouais, ça c'était très bizarre. Ben, ouais, c'est bizarre que t'es à l'intérieur. Faut que tu ressortes dehors pour faire un line-up pour rentrer dedans. C'est vraiment. Non, c'est ça. C'est un petit peu n'importe quoi, mais bon. Puis il faisait frais aujourd'hui. Comme tu dis, c'est une question d'espace ou whatever. Sauf que c'était vraiment weird. Là, c'était un peu sors le monde du corridor, d'après moi, là, du hall, puis fais un line-up plus loin. Ou je sais pas, sers ta patente là, pour faire. Mais leur building est mal fait, on dirait, pour une chose, parce qu'il est fait sur le large. Fait que tu sais, quand tu rentres, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Puis vu que tout est sur le large, on dirait qu'ils n'ont pas le choix de mettre le line-up dehors. T'sais. Mais outre ça. Billy Dee Williams, c'était comment vous avez trouvé ça, vous autres? Ben moi, les deux qu'on a vus, en fait, j'y connaissais pas vraiment. Je suis pas un fan de Star Wars ni de Star Trek, fait que je savais pas c'était qui. Mais Billy Dee Williams, j'ai trouvé, il avait pas l'air tout là, le bonhomme. Là. Ah, il est vieux, le bonhomme, hein, je pense. Vieux, t'sais, je respecte ce qu'il a fait. Puis même là, mais être franc avec toi, à part Star Wars... Je trouve que tu voyais beaucoup de caméos, genre, là, hey, Undercover faisait, Brother, pis, c'était beaucoup toutes les rôles qu'on voyait dans son mini trailer pour le présenter. C'était comme, il essayait de pas mettre trop de rôles de Star Wars, genre, pas trop de pause, puis de mettre toutes les autres phrases qu'il dit de toute sa carrière. Mais il avait tout le temps de l'air à jouer son propre rôle, un caméo d'un bout qui montrait, fait que c'est comme, Dude, t'es juste Billy Dee Williams parce que t'es le black dude de Star Wars, ouais. Genre le cool. Ah ça, pis j'ai trouvé ça long un peu dans le sens que, tu sais, il se faisait poser des questions pis... Il avait même pas de l'air à comprendre la plupart des questions qui se faisaient poser. Mais là. Il y avait son aide là, qui était... Ouais, là, son attaché de presse. Là, pis... Une chance qu'il était là pour répondre des fois ouais. Parce que l'autre, il avait même pas l'air à catcher questions tout le temps. Mais bon, ça, il peinture maintenant. Mais je sais pas si c'était une question de vieillesse ou si c'est une question de médication, quelque chose comme ça, mais... Ou de... OK, c'est, non, c'est sûrement pas ça, je m'en ai dit de je m'en foutisme, là, genre que... Non, il avait vraiment... Non, ben, il prenait le temps de répondre. Il avait vraiment l'air comme slow, là. Ouais. D'après moi, c'est juste ça, là, il est comme... Il a peut-être de la misère un peu, là. Ben, tu sais, la dynamique était bien différente. Pas quel âge qu'il a, le bonhomme, là... Hey, il est rendu à quel âge, lui, en Inde? Je sais pas. Mais tiens, en plus, moi, personnellement, à part un petit rôle dans Star Wars, là... OK, ouais. Fait qu'il est il y a 80, là. Hey, wow, OK. Mais tu sais, c'était souvent du... dans un micro pendant comme une bonne minute et demie, puis là, un moment donné, l'autre gars à côté, comme, ah, il disait de quoi, puis ah, ouais, puis là... Soit qu'il repartait à conter une histoire ou le gars répondait puis finissait carrément pour nous autres. Mais là. Les questions qu'il y a eues étaient bizarres aussi. Tu sais, l'autre qui vient demander des questions puis sauver son mariage. Ben, puis... Monsieur sept mariages. Ben, moi, je te dirais ça. Que toutes les questions... Oh, ben, pas toutes les questions, mais toutes les deux panels qu'on a faites aujourd'hui, là, c'est pas beaucoup tant que ça, là, mais les deux qu'on a faites... Il y avait des awkward moments, là. Ouais, mais ça, t'en as toujours, ça, là. Mais aujourd'hui, je dois t'avouer, je suis comme toi, il y a eu beaucoup de moments où le monde était bizarre. Je trouve qu'il y en avait moins, là, de awkward moments à Montréal l'année passée, ouais. Là. Ouais, ouais, vraiment, là, le monde était vraiment dedans, là. Écoute, là, surtout, là... Tu vas le dire, tu veux pas on va pas s'embarquer dedans. Ben, en fait, c'est parce que je veux peut-être finir Billy Dee Williams avant d'embarquer dans le deuxième. Ok, mais Billy Dee Williams, il s'est fait quand même poser la question, qu'est-ce qu'il croyait qui était sa position sur Siri? Oh, la Siri. Moi, je pensais qu'il parlait l'affaire des iPhones, non, là, non, Siri. Non, non. Pourquoi tu parles? Pourquoi t'es contre Siri? De toute façon, là, c'est comme... Ah ouais, puis sa grosse explication, là, why wouldn't we just stop? Qu'on peut pas relaxer. Ben ouais, puis ça finit finalement qu'il dit que les humains sont la plaie de l'univers. Puis, hey, lui là, il a pris ça, là, puis il a dit bon, ben let's go, moi je pogne la morale de tout le monde, puis je le passe au blender. Billy Dee Williams qui part. C'est pas puis Billy Dee Williams qui a dit comme. Non, il a parti. Oui, c'est lui qui partait. C'est l'autre gars qui posait la question. Non. Il a parti, là, il dit regarde, il dit il va falloir que le monde comprenne à un moment donné d'arrêter de se battre, puis d'arrêter de faire de la violence. Puis il dit, tu sais, puis le pire là-dedans, là, c'est qu'on va prendre nos problèmes, puis on va les amener avec nous autres dans l'espace. Ouais. Il dit regarde, on est un virus, on est une plaie qui va aller accabler l'univers. Ouais, c'est vrai qu'il là, il était super down, puis là, après ça, t'as son relationniste qui part, puis. Mais écoute, aujourd'hui, on est heureux d'être à Ottawa, puis tout le monde est de bonne humeur, puis let's go. Mais puis... le doute qui a parlé 45 minutes pendant une heure qu'on a eu Billy Dee Williams, ouais, dans le fond, là, c'était comme un gars nowhere là, qui parle de pour t'sais, l'autre. Je suis content d'avoir vu Lando Calrissian de mes yeux, t'sais, l'acteur qu'il fait, je respecte beaucoup ce rôle-là. Mais d'un autre côté, honnêtement, c'était pas le panel le plus intéressant qu'il y avait. Là. Non. Puis lui, je sais pas si vous avez remarqué sur l'horaire, mais... il était supposé être dans une des petites salles, puis ils l'ont transféré dans le grand hall. Fait que là, il y a eu beaucoup de cancellations à date à Ottawa cette année, puis ça, c'est un des points qui me déçoit un peu. Ouais, là. Ouais. Le Summer moi, Blast, c'était un des affaires que je voulais dire dans mes points qui me déçoit un peu. C'est comme lui, justement, qui était à 8h et à 8h à soir, c'est du lit, puis finalement, il a été à 4h45, puis. Le Var Burton qui était supposé être demain, je pense, puis il était rendu à soir. Il était à 8h et quelques, le Var Burton. C'était aujourd'hui, plus tard, c'est vrai, puis il était devancé, puis là, je me dis, gars, quelqu'un qui a acheté son billet, là, parce qu'il finit de travailler, puis il a acheté ce jour-là parce qu'il veut absolument voir son gars, puis tout, puis il arrive, puis c'est fini depuis 2 heures, puis. Mais je cache pas pourquoi, justement, tu sais, puis gars, même à un moment donné, Eric, il l'avait remarqué, là. On est en train de se promener sur le show floor, puis le gars il dit ok, là, les signatures de telle personne, ça va être à 7h ce soir. Puis il a même pas fini de dire son message, il fait mes sincères excuses à tout le monde. Gillian Anderson. Pis... Ouais, c'est ça. Gillian Anderson, elle va faire des signatures à 7h. Je suis désolé, finalement, elle viendra pas, elle a manqué son avion. C'est ça. Puis ah non, au début, il dit qu'elle va arriver de bonne heure. Mais là, tu sais, c'est dans le même, il a même pas eu le temps de fermer son micro. On dirait, puis je veux pas chialer parce que c'est le fun pareil, puis moi j'ai trippé quand même aujourd'hui, mais on dirait ça manque un peu de sérieux, on dirait. Ouais, c'est que le monde cancelle, le monde sont déplacés. Pourtant, il est plus gros qu'à Montréal. Puis en tout cas, je veux pas comparer. Il est plus gros en termes de superficie qu'ils ont. Puis en termes de monde, il y avait du fucking plus de monde que. Il y a eu dans la section achetée, puis les line-up, puis tout. Là, mais on n'a pas les statistiques des billets vendus encore. Moi, je pense, honnêtement, les deux vont être pas mal équivalents, parce que l'année passée, l'autre était gros à Montréal aussi. Mais c'est notre 30 000 but, qui annonce ça, c'est de pas de faire une rivalité Montréal-Ottawa. Non, je veux pas faire là, une rivalité. Ça, c'est impossible. Mais ça n'arrivera jamais, ça. Mais par contre, je suis d'accord que tu as beaucoup de monde, mais on dirait que si c'est à part pour le plancher vendant, le reste bouge tout le temps. Pis c'est difficile de se retrouver cette année là. Juste aujourd'hui, il a fallu adapter notre horaire à peu près 4-5 fois. Ouais, ben c'est ça, là, pour le côté organisation, tu veux dire, pas pour le côté choix de marché. Ben moi, c'est marché, les lignées, là, j'étais pas un fan de ça. De quoi même, ça? Ben, les faire lignées, des line-up, là, les panels. Bon, mais ça, c'est normal, puis ça va toujours il arriver. Il y en a partout, là, ça. Puis honnêtement, ça va vite quand même, là, tu sais, regarde, écoute, on finissait un panel, on allait faire un petit tour sur le plancher. Non, mais moi, c'était juste de sortir dehors. Ouais, ça, c'est désagréable, j'avoue. Pis surtout avec la pluie. On s'était pas habillé en conséquence. On pensait que ça aurait été en dedans, déjà. Ben, c'est ça, mais non, j'ai pas pensé, moi, qu'on sortirait. Puis moi, je suis parti là en t-shirt, puis à un moment donné, pas là, de manteau. Il pleuvait, il ventait, il faisait frette. Pis... Non, non, regarde, écoute-moi avec. Ben, sinon, regarde, demain, on le sait, fait que demain, je vais m'amener de quoi, puis on. Puis avec la loi des moyennes, on va avoir nos manteaux, puis demain, il va faire super beau, peut-être aussi. On va prendre la voiture ce coup-là, parce que je pense que le taxi. Ouais, je pense qu'on va prendre la voiture. C'était assez dispendieux. Loin qu'on a pensé. Mais. Sinon, sur le plancher des vaches, là où ils vendent les bandes dessinées, qu'est-ce que vous avez vu qui a attiré votre attention à date? C'est sûr, il y a eu des costumes, il y a eu des gens, mais... Ben oui, j'aime les comics et tout ça, mais je suis pas un collectionneur à tout casser. Sauf que Builder, si me parle de ça, il y a des bagues, genre, c'est des comics à une pièce. C'est comme... Il y en a, là... Il y avait une quarantaine de boîtes pleines, puis ça c'était juste. Ça c'était un kiosque, là, genre. Là, une quarantaine de boîtes de. En dessous, il y en avait plein d'autres, puis le gars, il y en avait plus. Tu déconnes qu'à une pièce, puis cherche, c'est pas classé. Je pense que ça va être classé en ordre alphabétique. Il essaye, mais ils font pas des miracles. Mais j'ai trouvé une couple d'affaires cool. Qu'est-ce que t'achètes bon? Je me suis pogné. C'est Pinhead versus Isaac. Pinhead. Dans les books, où est-ce que Pinhead il se bat contre quelqu'un? Oh, c'est Law, là. C'est quoi donc? Martial Law. Ouais. Je sais même pas c'est quoi. Moi, j'ai vu Pinhead. J'ai vu Pinhead, j'ai fait ok, cool. Une pièce. Pour une pièce. Puis j'ai pogné un autre, puis c'est dans un bac à deux pièces. C'était Freddy versus Jason versus Ash. Ash de Evil Dead. Nice. Puis, Tu as acheté ce poster-là ou? Non, c'est pas un poster, c'est une BD. Mais l'avant-poster aussi, il y avait à un moment donné. Le dessin. Mais c'était un artiste. Cet artiste-là, je sais plus son nom, mais il faisait... C'est peut-être lui qui avait fait la BD, finalement. Il a fait des affaires cool. Là. Il fait juste des affaires de zombies. Ouais, c'est ça, il prend des. La pop culture, là, genre des. Il y avait la pochette Nevermind, Nirvana, le bébé dans la piscine. Ah, mais il a refait la pochette de Jazz avec Deadpool. Aussi Deadpool qui se bat c'est ça moi j'ai bien été pour j'ai pas acheté beaucoup, je me réserve peut-être plus ça pour demain. Ben moi j'ai rien acheté pantoute aujourd'hui, le pain c'est j'yeute comme ils disent là en bon français, ouais là. C'est ça, tu sais, puis je sais pas où c'est que je vais aller, puis genre samedi puis dimanche ben je vais faire mes choix, je vais acheter mes t-shirts que je vais acheter des t-shirts là, on a vu une couple de stands à t-shirts qu'on a des t-shirts cool, mais encore là on n'a pas fait le tour non plus, on sait pas. Mais après, je vais me mettre un petit but. Ouais, mais c'est ça, on n'a pas fouillé en profondeur. Mais il y a un truc que je peux suggérer aux BD, gens. Quand, les gens qui écoutent, quand vous allez à Comic-Con aussi, il y a deux manières de penser quand vous allez aller à Comic-Con. Il y a des gens qui vont se dire, moi, je vais attendre parce que la dernière journée, il va y avoir des rabais. Vous avez pas tort, effectivement. Rendu le dimanche, les gens veulent beaucoup moins remballer leurs trucs puis les ramener avec eux. Par contre, vous allez avoir moins de variété aussi. Ouais, fait que c'est sûr que si vous voyez quelque chose que vous voulez immédiatement, tu sais, vous voyez une figurine, un bus, quelque chose comme ça, achetez-le, tu sais, parce que c'est, il y a des très bonnes chances qu'il n'y en ait plus le dimanche. C'est pas le genre d'affaire qui va baisser de prix non plus le dimanche. Exactement. Les t-shirts, les choses comme ça, souvent, ils vont baisser de prix, mais par contre, c'est au niveau des grandeurs. Si vous avez besoin d'une grandeur spécifique, puis je parle pas que c'est les grandeurs, les larges et les extra-larges, c'est souvent les small et les médiums qui disparaissent très rapidement. Fait que c'est sûr, si vous voyez un modèle que vous aimez, ben rendu le vendredi ou le samedi, c'est le temps de les acheter, là, parce que rendu le dimanche, il va rester souvent des extra-larges, il y a certains modèles qui auront pu, des choses comme ça. Fait que, tu sais... Samedi, ça risque d'être occupé. Samedi, c'est sold out présentement. C'est la journée où il n'y a plus de billets uniquement pour le samedi en circulation. Puis les passes de luxe, à ma connaissance, étaient tous vendus aussi. Fait qu'à ce moment-là, ça veut dire que demain, il va y avoir beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, il y avait du monde, mais c'était pas... C'était bien, on circulait bien aujourd'hui. Là. Ouais, ouais. Je pense que demain, ça va être jam-pack. Là. Ouais, Mélanie va arriver pour le croustillant, là, dans le fond du show floor, là, parce qu'elle va arriver, puis c'est là qu'il va y avoir bien du monde. Mélanie va arriver bientôt. Là. Ouais, elle devrait arriver. Là. Écoute, je pense qu'elle prenait son autobus ce soir, pour venir nous rejoindre demain matin. Là. Yep. Sinon, toi, Eric, qu'est-ce que t'as vu sur le show floor que t'aimais? Ben moi, j'ai le zioutage, le magasinage, tout ça. Je m'attendais pas trop à ça. J'étais un peu un noob. Là. Je m'en rappelle pas de tout de ma jeunesse quand j'étais au Comic-Con. Mais c'était rencontrer les artistes de les petites BD indépendantes. Puis une en particulier, c'était la première que j'ai eu une bonne conversation avec, mais c'est les gars de Expired Comics. Ouais. Qui avait le Morningwood Guardian Series. Hey, ça, c'était écœurant, ça. Puis ça, c'est un petit scoop que j'ajoute, là, parce que c'était toute une surprise pour moi. Mais je reçois un message de ma femme au courant disant que ma cousine annonçait que son cousin était au Comic-Con. C'est pas eux autres? Ben, c'était un des gars, c'est Deschaclets. Je viens de confirmer que... Ben là, on va retourner les voir demain, de bord. C'est clair et net, là, parce que moi, j'ai la famille de Deschaclets. OK. Puis un d'eux autres, c'était Deschaclets. Puis, en tout cas, j'ai trouvé ça écœurant. Là, puis je pense que toi, t'es aussi impressionné par moi du dude avec le mulet qui est son weapon. Le mulet. Le longueuil. Mullet. On s'excuse pour les gens de la Rive-Sud, mais ça s'appelle le même. On vous en veut pas. Les gars, ils s'appellent... Mais c'est Expired Comics. Puis les deux gars, je sais qu'il y a un Deschaclets, puis l'autre, c'est Kevin Montpellier. Fait qu'un des deux, qui est ton cousin. Ouais. Cousin proche, cousin éloigné. Cousin d'une cousine. Fait que ma cousine proche, c'est sa cousine à elle du côté de son père. Fait qu'il y a des chances que demain, mais quand il parle, le gars, il va juste faire comme non, lui, c'est garanti que ça va cliquer tout de suite. Là. Ok, ok. C'est un gars du Nord Ontario, c'est un gars de Sturgeon. Ok, ça se connaît tout ce monde. Mais ce qui est drôle un peu, c'est de voir aller Eric sur le plancher, justement. J'adore Eric les conventions. Et le gars, autant que moi, tu me mets derrière un micro, je vais me mettre à jaser, je vais jaser au monde, tu te le quittes, mais dans la vraie vie, je l'avoue, j'étais un peu plus réservé. Eric, c'est l'opposé de moi. Hey, il pose des questions. Je me sentais inconfortable des fois tellement je posais trop de questions. Non, mais c'est mais eux autres, ils capotent en plus, parce que justement, deux tiers du monde vont faire comme moi, ils vont passer devant, ils vont regarder, jaser un peu, puis ils vont continuer. Toi, tu poses des questions. Tu veux savoir le pourquoi du comment, puis moi, je parle jamais pantoute, parce que je veux pas qu'il y ait de quoi qui fait que la personne peut me parler pendant une demi-heure, genre. Mais moi, c'est ça que je voulais. Sauf toi, t'es comme le dos de la place que le gars dit, qui jase pendant une demi-heure, de me faire parler pendant une demi-heure, genre, fait. Mais je pose des bonnes questions, j'aime ça. Ouais, il y a, ben, pour toi, cas, moi, j'aime bonne, ça. Pour il y a eu des petites longueurs des fois, rien contre le dude qui triple lutte toute sa vie, mais lui il y en avait en... Je me suis rendu compte que le plus que je creusais, le plus que j'en apprenais sur lui. Je connais la lutte, là, mais le gars qu'on a vu là, au panel de lutte, là, il connaît ça tabarnak. Lui, c'est comme il me clenche dans le sens que lui il connaît la lutte. Puis le pire, c'est que moi je connais, mais aussi comme bien avant, là, je veux dire, les années 70. C'est Bertrand Hébert, c'était ça son nom, Mad Dogs, Midgets and Screwjobs. Le pire, c'est que pendant que vous autres vous jasez avec, moi et Milton, on s'éloigne d'un petit kiosque juste à côté, puis on regarde des t-shirts, des chandails, puis il y a un gars qui s'en vient, puis il s'en va d'abord, puis il dit « Êtes-vous les gars du Geek Collectif? Oh boy, ok, là, j'ai figé. » Puis c'est la première fois que ça m'arrive un peu avec le podcast. Fait que j'ai figé, puis je savais pas trop comment réagir. C'est quoi ton William? Il s'appelle William, un gars de Saint-Jérôme. William, salut, on s'est croisé tantôt. Salut, pis, William. Regarde, j'espère que t'as eu du fun aujourd'hui. Rick pis Nick, ils ont rien vu. Ils étaient trop occupés par le gars de lutte. Ils étaient trop occupés par Monsieur Hébert et sa lutte, là. Mais regarde, c'était cool. Viens nous voir demain. Ben, j'y ai dit justement, c'est nous recroiser sur le show floor. On va y amener un t-shirt demain, puis on va lui donner. Mais tu sais, j'ai trouvé ça cool. Parce que d'un, le gars, pour nous reconnaître, il dit hey, « j'entendais votre voix, ça me disait de quoi, puis je vous ai reconnu. » Ça veut dire qu'il l'écoute vraiment, Il l'écoute vraiment, là. Fait que tu sais, ça, je trouve ça le fun, surtout qu'on est à Ottawa, là. On n'est pas à Mirabel, on n'est pas à Montréal. Ottawa, mais pas à Montréal. Il faut qu'il trippe pareil, le gars, là, il part de Saint-Jérôme, ça met à Ottawa, ben oui. Puis il repart. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'hôtel, lui, là. Il fait aller-retour à chaque jour. Il revient demain, là. Ouais, non, c'est vraiment, regarde, fait que... Salut, William, puis si on se recroise demain, tu vas avoir ton t-shirt. Mais petite anecdote qui s'est passée sur le plancher. Ça, j'ai trouvé ça cool. Non, je, c'est vraiment je bien. Je vais pas aller sur toutes les petites, parce que, man, je sais peut-être qu'il y en a qui vous avez. Ben, moi, il y en a mais... une affaire qui m'a intéressé, là. Mais être franc avec vous autres, je l'ai pas acheté tout de suite parce que je fais mon achetage. Moi, je suis le genre de gars qui achète la partie du samedi, là. C'est comme je check ma proie le vendredi, puis je m'y attaque le samedi, puis des fois les restants, mais j'en profite le dimanche si j'ai un peu d'argent. Je me mets tout le temps un petit budget pour les bédaines pièces, là, tu sais, là. Je suis le genre de gars qui arrive, j'ai 20 pièces, fait que je mets un 10 d'un bédaine pièce, puis un 10 d'un bédaine 2 pièces. Je pense que c'est justement comme... 20 pour 20 piastres, ouais, mais il était une pièce et demie chaque. Genre, c'est pas le gros deal, mais tu sauves 5-10 piastres de temps en temps. Tu sais, à une pièce, ça vaut la peine d'essayer des affaires qu'on connaît pas. Ben, c'est ça. Là. Puis des fois, des petits c'est ça que je cherche. Tu sais, des Superman, puis X-Men, puis tout ça, c'est cool, sauf que j'ai boîtes-là, mais c'est ça que je veux faire, c'est tout. Checker les BD, c'est quoi ça? Les vieux que j'achète de même, c'est ceux qui ont les beaux covers, genre. Tu sais, c'est plus pour ça, là. Mais ça, en tout cas, ça, je vais fouiller plus de toute façon, là. Puis trouver des. Je vais essayer de trouver des Howard the Duck ces temps-ci, là. Il y avait une boîte aussi, c'était marqué Adult. Ouais, comics. Les Adult Comics, on devait. Il y avait un titre, c'était Space Slots. C'est vrai. Il y avait une petite boîte d'Adult Comics. Ben ouais, donc. Mais c'était quoi l'autre? Il y avait un atelier aussi, c'était quoi? C'était de l'origami pour adultes? Ouais, on n'est pas avec allé. Avec le gars qui disait c'était à 8h, ça, je pense. On n'est pas allé, puis... Le gars démontre... Hey, attends, il est où le menu? Le menu. Mais moi je vais juste dire, avant que tu parles de l'origami, ben ouais, là, la BD qu'on a vue, là, moi, en tout cas, ça me tente en maudit. Ils sont pas une pièce, mais c'est genre les 6 premiers numéros pour 28 pièces, là, les zombies. Ah, c'est Zombie Commando. C'est un Québécois, un gars de Montréal qui disait ouais, qu'il c'est ça, là. C'est ça. Ah, ça avait l'air cool, ça. Mais je me souviens plus c'était quoi, mais la BD avait. En tout cas, Online Splatter Comics. Il y avait de l'air. Ça avait de l'air bien bon, là. Puis pour 28$, les 6 premiers numéros. Zombie Commando. Puis il disait que le 7e était pour être disponible à Montréal. Au Comic Con de Montréal le prochain. Juste avant qu'on continue, je vais lire la description. De quoi? De l'origami pour adultes. C'est en anglais, je vais essayer de traduire en simultané. On l'a pas lu tantôt. Ben nous autres, ouais, c'est vrai, on l'a lu dans le char. Ah, mais on l'a lu dans le char, c'est vrai. Ben regarde, ok. Ben regarde, à la limite, pour les gens qui n'auront pas écrit l'origami pour adultes, imagine un peu. Pourquoi l'art c'est pour japonais adultes? De plier le papier dans des formes décoratives et des figures qui prennent des tournures non attendues, inattendues par un my god cartooniste en français, c'est un BDiste, l'art de Souza. Lui, il a fait « Least I Could Do » puis « Looking for a Group ». Puis, en tout cas, my God, c'est pour les mature audience. Mais regarde, en gros, là, de l'origami pour adultes, tu sais, OK, de l'origami, c'est cool. Je respecte bien gros le monde qui font ça. Tu ils ont vraiment plus de papier, patience. Là, mais adulte, tu sais, c'est quoi? C'est weird. Tu là. Plies un pénis dans en fond, papier. dans le fond, tu fais des affaires plus complexes. Là. Tu plies des pénis comme Emmanuel. Tu fais des pénis en papier, puis tu fais des... Au lieu de faire un petit cheval ou quelque chose, tu en fais comme deux qui zignent, là, sûrement. Là, c'est... Non, c'était un peu étrange, là, mais... On voulait y aller, mais notre estomac, puis nos pieds, puis je pense notre fatigue un peu. Aussi, là, puis tout ça. Sinon, Milter, toi, c'est le chauffeur. J'ai c'était... une autre chose de chauffeur. Excuse-moi, Rick, je ne veux pas le couper, mais c'est parce que toi, tu vas le savoir, puis il faut que je plug ça. Oh. Je trouvais ça trop écœurant. Plug ça. Mais c'était l'affaire de... C'était le Staja Art, Staja.art à Facebook, mais c'est un couple. Oui. Puis ils font des prints en noir et blanc. Ben, c'est le noir, mais ils font des formes. C'est des comics dans la forme d'un metteur en masque de super-héros. C'est ça, tu vois rien sur la carte. Là, c'est mais... du recyclage, dans le fond, à son état pur il artistique. Il recycle des là. Pages... Puis ils font des pièces vraiment écœurantes. T'avais-tu vu ça? Ouais, j'avais vu. Mais le pays est à Montréal l'année passée. Genre, yeah. Puis c'est vraiment fou. Ils sont super bons. Ils font du custom aussi. Là. Tu peux demander pour une particulier. Sur mesure, tu peux dire, moi, je vais avoir, mettons, je sais pas, le logo de Superman. Puis là, ben, ils vont faire le logo de Superman avec des BD en arrière. Puis ils prennent, tu sais, comme il y en avait une, c'était Watchmen. Puis c'était la face de Ink. Ben, comment il s'appelle? Là, le... J'ai jamais lu Watchmen. Ouais, Rorschach, en tout cas. Rorschach. Mais... Tu sais, le gars, il était fier, il nous dit... En passant, Michel Lacombe, il vient de fermer le podcast une fois encore. Là, parce que t'as pas lu Watchmen. Non, ben en fait, je l'ai lu, mais c'est juste j'ai de la misère à le prononcer. Mais où je voulais en venir avec ça, c'est que le gars, il nous expliquait, regarde, j'ai pris, c'était un... un tome de Watchmen. Il y avait 3-4 pages d'arraché, un numéro c'est de un téléphone reprint, décrit sur ouais. une page, c'était un reprint. Fait que tu sais, c'est du stock que ça a plus de valeur. Puis eux autres, ils le prennent, puis ils le transforment, puis ils font de quoi d'artistique avec de quoi qui est déjà artistique. Fait que je trouvais ça vraiment cool, ça, sans joke. Yep. Puis je m'en allais l'oublier. Merci de m'en avoir rappelé, Eric. Ah non, mais j'essaie quelque de, chose de que je vais faire, regarder, parce que j'en ai vu tellement. Là, c'est... Ben, il y a beaucoup de choses, puis on va en découvrir d'autres demain aussi. Ah, on va repasser. Ça, parce que le pire, c'est que tu as des artistes qui vont faire juste une journée, parce qu'eux autres, il faut que tu payes pour être là. Fait que des fois, ça va changer. Il y a du nouveau monde qui vont être là, des choses comme ça. Milton? Ben moi j'avais aimé la BD de Zombie là, comme je disais un peu tantôt là. C'est l'affaire qui comme cool. originale si on peut dire là, ouais. qui m'a plus attiré là, dans tout ce que j'ai vu. Il y avait toutes les boîtes à une pièce là, j'adore ça là, fouiller là-dedans là. Ouais. Je me retenais aujourd'hui là, j'ai pas je voulais faire le tour avant là, vraiment là. Mais je vais aller prendre une bonne heure sûrement demain ou dimanche à un moment donné, puis je vais aller fouiller, m'en acheter une coupe cool, puis pas mal ça. La variété de choix d'affaires, là, j'avais plus l'impression d'être au marché aux puces. Non, avec chaque table stock. Avec non, des affaires stock. Cool. Il y a vraiment des affaires cool. C'est ça, là, comparé à encore à Montréal, que sur 4-5 rangées, il y en avait comme. Mais on les avait moins faites, par exemple, à Montréal aussi, les affaires de BD, parce que t'en avais beaucoup. Ben, il y en avait beaucoup, mais je trouve que c'était la seule place où j'ai vu l'année passée qu'il y avait comme beaucoup de BD de pièces, puis 2 pièces, puis tout. C'était comme la moitié d'un seul des petits kiosques là-bas qu'il y avait. Là. Il y en avait comme 4-5 gros ouais. choix. Pis, en tout cas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup plus de choix pour gaspiller ton argent facilement. Mais moi, que j'ai trouvé cool, c'était deux affaires. Premièrement, un moment donné, on avait perdu Nick puis qu'on est venu te retrouver. Puis tu parlais avec SV Bell. SV Bell. Lui, là, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Un genre de gars, il a blackflag.tv. Ah oui, il était cool. Quand même actif sur la scène de films d'horreur. Puis, ouais, c'est un réalisateur là, indépendant. Il a fait une couple de films qui n'ont pas nécessairement marché parce que c'est quand même du cinéma indépendant. Puis, ouais. Mais, là, il est dans un clic de fantasia pis tout ça, il présente ses films pis, mais super sympathique, pis c'est cool de voir cool. du monde passionné de même, parce que là lui il expliquait, ben tu sais maintenant tous les scénarios que j'avais je les passe en dessin, pis tu sais il nous a montré sa BD, il est fait lui-même, il dessine tout, il écrit son histoire, je les casse en rotoscope genre, ouais. Il fait, je me sentais comme je devais insulter un peu que j'avais dit ben non, mais le pire au contraire, il a trouvé ça flatteur je pense, c'est parce que je vois, tu vois ces single sheets là, il était hallucinante là, c'est ben la ouais. pièce, mais c'est comique, moi j'aimais ça moi, mais tu vois que c'est lui, c'est des dessins par-dessus des styles de ses films. Ben oui. Puis ça, je trouve ça écœurant. Là. Mais je trouve ça cool. Ça donne un petit look un peu à Scanner Darkly puis des oui, choses comme ça. Waking Life. Puis honnêtement, regarde, t'es super sympathique. Il a montré son comic. Il nous a parlé de Black Flag TV. Il a pris le temps de nous jaser comme il faut. Puis Nick, toi, ça devait déjà faire un 20 minutes que tu jasais avec. Puis facile. Avant que vous arriviez à me parler, il y a un livre aussi qu'il y avait, là, un bon livre. Okay. C'est toutes des peintures qu'il a faites. Puis. Wow. Lui, il faisait des pochettes de pour les albums de groupes heavy metal, ça dans le temps, genre les années 80, genre, il se faisait demander, peignait des pochettes de whatever, quel groupe, là. Sûrement des groupes assez obscurs, mais quand même. Mais lui, là, je serais curieux, là, tu sais, puis je dis ça de même, là, mais ça serait le fun de l'inviter avec nous autres à un moment donné, puis jaser avec. Ben, ça, j'y pensais à ça, moi aussi, puis au pire demain, on pourrait y en glisser un mot, ouais, si c'est encore ça là. Ça l'intéresse, puis il est encore là, regarde, on y en parle, puis on essaie de l'avoir avec nous autres. Il avait l'air vraiment open à jaser. Ben oui. Fait que je pense qu'il... C'est un gars de Montréal, de c'est un gars de Montréal, c'est un gars, c'est un tripeur de films d'horreur, puis de films d'action, puis tout ça. Fait que moi, j'ai bien trippé là-dessus, puis il y a une autre affaire que j'ai trippé aussi, c'était le Battlecom. Un genre de concept. Ouais, c'était le fun, un petit show. Dans le fond, c'est des humoristes. Puis ils prennent un sujet comme, mettons, comment survivre un holocauste de zombies. Puis là, ben, ils ont ben, comme. Pas, mettons, c'était ben, ça c'était le ça, sujet. Là. Ouais, mais ben, sinon, en fait, un autre après ouais. un sujet. Là. Puis. Un bateau qui vole. Ils font un genre de duel entre eux autres. T'as les deux humoristes. Puis ils vont se faire des arguments. James, pourquoi ouais. que ma version, c'est la bonne? Pourquoi la tienne, c'est pas la solution? Puis la foule, on votait, tu sais, soit pour le orange ou pour le vert. C'était cool, les humoristes, j'ai trouvé bon, le concept est là, le fun. Moi, c'est de l'impro, un c'était peu. C'était de l'impro, ouais. hein. Tu sais, au début... C'est un débat, mais il faut que ça soit des jokes. Que celui qui gagnait le débat contre l'autre, lui, il se pognait contre un autre dude. Ben, puis là, il fallait qu'il... Round 1, premièrement, il y a 3 rounds quand t'es contre quelqu'un. C'est t'arrives, puis chacun présente son idée d'une façon positive en parlant de son idée. Ouais. Il y a quelqu'un, la foule vote, puis tu gagnes un point. d'après celle que la foule préfère. Après, c'est faut que tu bâches l'idée de l'autre, puis l'autre essaie de détruire la tienne. Fait que c'est du négatif sur l'autre. La foule vote. Après, c'est celle qui a trouvé le plus drôle. Il y a un autre point. Après, c'est libre de choix. Tu peux bâcher, tu peux reventer une idée à toi. L'attaque personnelle qui est drôle tout le temps, que ça n'a même plus rapport, puis ça fait juste dire de quoi de niaiseux, puis de faussement méchant, vu que c'est des humoristes chum, là. Mais moi, j'ai trouvé ça bon, vu que c'est de l'impro. Ça aurait pu être peut-être plus drôle un peu. Je sais pas comment. Moi, je pense là, que la formule fonctionne pas vraiment bien. Dans l'environnement qu'on était. Ouais, ouais. Ça, c'est juste moi, j'étais un triple. Ben, le monde ne le savait pas nécessairement c'était quoi, tu sais. Moi, je savais pas dans quoi je m'embarque. Ouais. Ben, moi, j'ai aimé ça, c'est parce que ça a changé le mood. Ben, j'ai aimé ça, ouais. Mais... Puis on a eu la chance de voir le gars. C'était quoi le nom du gars qui a fait les. Qui fait 42 zombies différents dans AMC's Walking Dead, qui était là, puis... Le dude qui fait 42 zombies. Ça, mais en tout cas, lui, tu sais, gars, OK, il a pas jasé, il a pas rien dit, mais c'était cool. C'était scripté, ça, là, par exemple. C'est ça, justement, il y avait une couple de choses que moi, je m'excuse, c'était scripté. Ça, c'était scripté. Ouais, mais sais-tu qu'est-ce qui était pas scripté? Quand j'ai crié au gars, parce que pendant le show, faut que tu cries, s'ils disent un fait, ben un fait, c'est pas une joke. Fait que faut que tu cries « facts are not jokes ». Puis je l'ai comme gueulé à un moment donné, mais je pense que le gars, il s'attendait pas à ce que je crie là. Non, c'était pas bien scripté, mais c'est parce que je l'ai piégé, là. And I'm gonna die. Fait que c'est ça, ben non, mais il dit, je suis vieux, puis un jour, je vais mourir. Ben ouais, mais c'est pas une joke, ça. Regarde, écoute, fais-moi rire, là. Tu représentes 2% de mon billet de luxe. Ben, non, mais... Il y avait des bonnes idées. Le concept, il est super bon. J'ai l'impression que c'est soit que c'est en train de le roder ou que je connaissais pas personne là-dedans, fait que soit que c'est pas le bon monde pour faire ça, c'est plate à dire, ou que c'est parce que c'est pas rodé encore comme concept. Le meilleur gars là, il y en a un moi qui m'a donné le goût d'aller le voir, puis il est sur le flyer là, c'est quoi son nom? Mais c'est son show à lui. C'était Kevin Steffens. Puis lui, là, je l'ai trouvé drôle. Gars là. Le gars sur le dessus avec le chapeau, là, il était un petit peu baquet. Il là. Était bon parce qu'il était bon à sortir le sarcasme. Ouais, mais lui, il est dans un show d'improv. Genre. Ben, il était rapide, lui, puis j'aimais bien sa... Moi, j'ai bien aimé l'autre... Giant Sword, là? Non, mais celui qui avait le bateau qui... L'écrivain de Futurama, puis c'était une série de comics. Ouais. Lui, c'est un des artistes, je l'ai vu sur le bord du mur... Il dessinait des bongo comics. Puis le gars de Zombie Info était bon aussi. Mm-hmm. Là, le gars qui était là pour parler de Zombie Info. Moi, je l'ai trouvé un peu prétentieux dans son attitude. Oui, mais qu'est-ce qu'il disait? C'est un personnage. C'est un personnage qui joue mais ça. Mais ouais, il faisait son petit stuff. Sa stratégie, c'est une stratégie que toi, tu supportais dans le jeu DayZ. Tu sais, tu te places à une place, t'attaches à cette claire. Je me couchais. Ouais, mais ça, tu sors. En tout cas, c'était d'autres choses. Mais tu sais, j'ai bien aimé ça. C'est hors contexte. Mais je pense, le clou de la journée... Le panel de... Puis je vais... dis son nom, là, je vais le scraper. Le Var Burton. Le Var Burton. Je m'en ai encore appelé Lawrence LaForge. Fishburne. Mais Jordy LaForge, je m'attendais pas à ça. Le gars, sarcastique au bout, mais il est niaise drôle, le il monde. Était drôle. Il était drôle, là. Puis on a beau dire, c'est comment Jordy LaForge? Jordy LaForge, en tout cas dans Star Trek. Le dude de Reading il n'y a Rainbow, pas un chat que... ou presque. Il y a une fille, je pense, qui a posé une question non, de Star Trek. Parler de Reading tout le Rainbow. Monde parlait de Reading Rainbow. C'était fou. En passant, Milter qui chantait Reading la chanson Rainbow. Reading Rainbow. Ouais, comment ça allait là-dessus? C'est quoi déjà? Comment que ça va? Butterflies in the sky. We can get very high. Puis je me souviens pas du reste. Ah, parce que le reste, je suis arrivé pour le filmer, puis il était là, puis. Puis il dit, c'est ton flash qui me déconcentre. Ah, là, je me souviens pas. Mais en tout cas, c'est plus facile avec la toune qui passe. Mais il était vraiment drôle, lui, honnêtement, là. Il était vraiment, mais vraiment drôle. Mais Money, il avait plus le choix de rire. Tout le monde, il parlait juste de Reading Rainbow. Ben, il devait s'attendre à du Star Trek. T'es dans une convention de Comic-Con, puis tout. Tout le monde parle de Reading Rainbow. Même Dougie Dick, parce qu'il y avait une fille, elle dit, ben mon nom c'est Dougie. Une fille en plus qui s'appelle Dougie. Dougie, puis son nom de famille c'était Dick. Fait que c'était un petit peu... mais le pire c'est qu'elle, elle a comme volé son show. Là. Elle était pendant, en feu, elle arrêtait pas les répliques. Puis tu sais, c'était même pas des questions, c'était plus pendant elle 5 qui minutes, des commentaires. Elle était on fire. Mais elle était vraiment drôle, honnêtement. Puis, ben oui, je trouvais ça drôle, le monde... Tu vois, c'est le monde d'Ottawa qui se trouve drôle, là, ou de quoi, là. Mais tu sais, le monde qui. Ils sont tous comme Peter McLeod, ils rient de leur propre joke. C'est des mini Peter McLeod anglophones déguisés en Spider-Man, genre. Qui arrive. Ben, il était pas mini Spider-Man. Non, le Spider-Man. Excuse, là, mais. C'était pas sa joke. Lui, il avait pas. C'est... À lui, Spider-Man c'était malaisant. Ah, lui, c'était vraiment malaisant, là. Fuck, j'ai oublié sa joke. Ah, il y en a. Je pense qu'il avait l'air un peu. C'est lui, lui, il a pas parlé à Lando, lui. Ah, non. C'était à Lando. C'était à Lando. Ah oui, c'était à Lando. C'est pas lui qui a demandé Siri dans ce podcast. C'est lui qui a demandé à Lando, t'es-tu plus connu pour être Lando ou si c'est pour être Harvey Dent dans Batman 1, genre, avec le je me rappelais même plus que c'était lui Harvey Dent. C'est lui l'attaché de presse, il a traduit la question. Ils disent pas, là, gars, c'est encore une fois de comic book qui change le personnage de race dans le film. Ah, la question, c'était pas ça. Harvey Dent, il est pas noir. C'était savoir pourquoi ça a été changé pour Tommy Lee Jones après. Ouais, mais. Puis, juste lui qui est comme le projet Change Ship. C'est une belle équipe. Surtout que c'est pas comme si dans le temps Batman il en avait un nouveau à chaque année. Là, c'est comme Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer. Pas pour revenir sur Lando, là, mais question cliché, retard numéro 1, comme est-ce que tu viens-tu de l'internet ou non? Mais la première question est d'après les rumeurs sur l'internet, est-ce que tu as été approché par Disney pour être dans Star Wars épisode 7? Et si c'est le cas, est-ce que tu aurais des détails de qu'est-ce qui serait le plot puis le script de Star Wars? Il y a de la misère à mettre deux phrases. Mais le pire, c'est que, tu sais, moindrement que ce gars-là va porter attention aux détails. Regarde, c'est cette semaine, Disney ont enregistré Order67.com, OK? Order 67, là, ça se passe dans le troisième ordre de Jedi, c'est dans le temps de Cade Skywalker. Fait que, tu sais, à un moment donné, on parlait, tu sais, puis on se disait, hey, j'espère que ça va être encore plus loin. Tu sais, ça va être comme, mettons, là, une autre trilogie, Nowhere, puis ils partent beaucoup plus tard. Mais moi, j'espérais que ça soit à, genre, 40 ans après. Mais c'est beaucoup plus, parce que ça, Cade Skywalker, dans le fond, là, si c'est ça, là, relié à l'Order 67, puis tu te le quittes, Cade Skywalker, dans le fond, là, c'est un des descendants de troisième génération en dessous de Ben Skywalker, qui est le fils de Luke. Fait que dans le fond, t'as comme quasiment cinq générations à coup de 80-100 ans. Mais en fait, moi je trouve ça cool s'ils font ça, c'est qu'ils vont repartir le film, mais une nouvelle trilogie. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que tu sais, ils peuvent ramener Luke, mais ça va être une apparition dans force, des affaires dans la même. Fait que tu sais, ça passerait bien le flambeau pour avoir de quoi de nouveau. En parlant de flambeau, il va y avoir des lens flares. Il va y avoir des. Ben, tu vois, tu m'enlèves les mots de la bouche. Hey, Burton, là, il l'avait-tu. Au début, tu sais, il disait qui a hâte de voir le nouveau film de Star Trek. Puis il a ruminé souvent à dire « J'espère que le prochain film va garder la vision de Gene Roddenberry puis va arrêter de flasher puis tout le kit. » Puis il l'a mentionné que 3-4 fois là-dessus. Mais à la limite, ils ont un peu raison parce que c'est vrai que il était excellent le film de Star Trek de J.J. Abrams. Mais c'était un gros film d'action puis ça s'est beaucoup éloigné de la vision de Gene Roddenberry au début qui était de créer un monde où c'est nous autres, mais l'évolution... l'idée de ça va devenir quoi si on rencontre des aliens puis la diplomatie. Moi, je pense que c'est le J.J. Abrams hype comme j'appelle. Ouais. Il est juste là puis Il est en demande puis il fait des bons films. Mais à la limite J.J. Abrams devrait avoir sa propre franchise de science-fiction. Puis le monde va l'aider puis va le. Ouais, mais il s'est essayé sauf que il devrait garder sa propre franchise. Alias parce que ben c'était bon Alias à quelque part au début puis un moment donné ça a chuté drastiquement comme Heroes. Puis c'était comme mettons le comme Lost. C'est comme mettons le chien qui traverse la rue puis qui se fait frapper mais qui est pas mort mais il est vivant, tu sais, c'est comme garde-tu sais qu'il souffre. Tu sais que ça marche mais dans plus. Alias, tu recules, puis tu reviens. La société ne recule pas. Il donne une autre saison à la place de Alias. Ouais, mais c'est parce que le chien se fait tuer au début de l'émission. Puis à la fin de l'émission, tu vois le chien encore vivant, puis ça coupe. Ouais. Pour Québec, Alias. Les fois, on leur donne une chance avant même que ça meure. Tu sais, comme Rock et Roland. Là. Regarde, je vais te croire sur parole, parce que Julien Poulin puis Michel Barrette. Julien Poulin Michel Poulin dans un sitcom. C'était mort à nez dans l'œuf. En tout cas. Fait que dans le fond, pour clore la boucle pour aujourd'hui, mort dans le fond. Mort nez dans l'œuf. Lamar Burton, son panel, excellent moi j'ai trouvé ça panel. Excellent. Ça vaut la peine d'aller le voir. Lamar Burton si était là. La fille qui a chanté Really Rainbow, je sais que vous autres ça vous a gossé, mais elle a une belle voix. Elle avait une belle voix, mais maintenant mais arrête. Elle veut rien, mais c'est comme. Il vient, vient pas faire ton show. En passant, pour que les gens comprennent, il y a une fille qui est arrivée pour la question, puis là, il restait genre 3 minutes. Hey, c'était 3 minutes 33, t'as 3 personnes qui attendent poser leurs questions. Puis elle a décidé de chanter Reading Rainbow. Puis elle dit, ben moi, je vais te chanter le thème de Reading Rainbow. Puis juste avant, elle dit, je m'en crisse en plus, qu'il reste juste 3 minutes. Comme, moi, je serais en arrière de tout, je serais comme, hey, toi. Non, mais après, elle dit ça. La fille, après, elle a dit, je m'en fous si elle sonne, je me pose ma question quand même. Ben, c'est ça. Mais ben, à la limite, tu sais, garde ça, c'était trop. Mais le Warburton, c'était cœur, hein? Le show floor est quand même bien établi. Très beau show floor. Ça circule bien, il y a beaucoup de gens. On va peut-être changer d'avis demain avec toutes les gens qui vont arriver. J'ai trouvé la bouffe chère. La bouffe est chère et elle n'est pas variée. Pas beaucoup de variété. Le buffet, ben en fait, le traiteur à Montréal est meilleur. Un hot dog à 5$, sérieux, quand c'est un hot dog, là, 5$, là, hey. C'est cher. Le hamburger, il est 6$. Tu t'en souviens, l'année passée à Montréal, j'avais mangé du genre de steak avec du quinoa, des affaires de même, puis le kit, puis c'était 8,50$, une belle assiette. Mais là, pour 8$, t'avais mais il n'y a pas de choix comme un hamburger, même pas de frites. Non, c'est ça. 7 piastres un hamburger. C'est très cher. C'est 6 piastres. Puis 8 piastres, t'as comme un steak dans un panini. Je pense que le mot d'ordre, si vous êtes capable, amenez-vous un lunch, honnêtement, au prix des billets, moi, je m'en vais à la Bottega en bas demain matin. Là, je m'en vais me prendre un petit sandwich. Tu prends un petit sandwich, une affaire de même, c'est bien correct. Rien que la mayonnaise, un code de survie à Comic-Con. Premièrement, tout le monde, mettez beaucoup de désodorisant. Puis deuxièmement, amenez jamais rien que la mayonnaise. Fait assez chaud là-dedans, ça va surrir. Mais regarde, la bouffe coûtait cher. C'était ça circule bien. Mais j'ai eu une coupe de whiff, je suis d'accord. Ouais. Ben c'est vrai, mais... Les faut costumes, pas oublier, les costumes. D'un, t'as des gens costumés que les costumes, autant que le souci du détail est incroyable, autant que c'est un gars qui est habillé avec à peu près 15 livres de styromousse partout, là, ça respecte pas du styromousse. Hein? Fait que c'est sûr qu'il y en a un moment donné qui va sentir sûr. Mais il y a des gens aussi que... de non, mais je m'excuse, mais c'est vrai. Tu passes à côté de quelqu'un, ça fait « Oh boy, OK. » Ça sent sûr. Ça sent le sûr. Mais tu sais... C'est un endroit où tout le monde peut sortir à bien n'importe comment puis pas se faire juger. Fait que oui, il y a des gens qui sont peut-être pas socialement adaptés. Mais... Ah oui, tu mets qu'est-ce que tu veux. Tu mets du déodorant surtout, premièrement. Mais après ça, mets qu'est-ce que tu veux. Commando, pas de déodorant. Commando. Mais en gros, le show floor est bien. Les panels à date, ça manque un petit peu de fiabilité, je dirais. On ouais, ça a fait beaucoup chier, les changements d'horaire. Ouais. J'espère que demain, ça va être placé un peu plus. Là, pis ça serait bien qu'ils donnent des horaires ajustés aussi, parce que ce matin, dans nos sacs, les horaires qu'on avait, il y avait plein d'artistes qui avaient déjà cancellé et sont encore déjà dessus. Fait que ça, je trouve ça ordinaire. Je sais que c'est imprimé beaucoup d'avance. Ben, c'est ça, sûr, mais là, regarde, mais... à la limite, qu'il imprime des correctifs ou qu'il l'affiche comme il faut, juste indiquer vos consommateurs. Pour personne qui est pris. Ray, non, mais what's his name, ouais, dans mais... chaque flyer. Non, non, mais à la limite, t'imprimes un poster à l'entrée ou tu mets quelque chose. T'indiques quelqu'un où t'avises tes gens à l'entrée en passant. Regardez votre horaire, il y a des modifications. Bon, parce que Billy Dee Williams, il a été devancé, lui. Devancé. Puis si on se trompe pas, Billy Dee Williams, Spanish Edition... Lui, il était vraiment en train de rentrer comme un Jack. Il s'attendait vraiment pas à ben ouais, ça. Hey, c'est vrai, le gars d'exil. On va mettre la photo sur la page Facebook. Il y avait un gars, le sosie de Billy Dee Williams, mais espagnol. Puis c'était écœurant. Il a même pris la pause quand j'ai pris la photo. Là. Mais en gros, les panels sont intéressants. Parfois, les vedettes sont fatiguées un petit peu. La bouffe est chère, donc on s'apporte un lunch. Mais sinon, regarde, ça circule bien. Prenez le temps de parler aux artistes locaux. Prenez le temps de regarder toutes les tables, les choses comme ça. Il y a des belles histoires fouiller qui se racontent. Fouiller des boîtes. Fouiller, justement. Fun, hein. Creuser. Il y a des belles affaires. Il y en a pour tout le monde, que ce soit une famille, des gens tout seuls ou une gang de tripeux de Montréal qui sont descendus venir faire un podcast. Ça met la fin à notre premier résumé de la journée 1. Y a-t-il un mot que vous voulez dropper à la fin? Un petit argument? Moi, j'ai une petite chose. Oui. Faut qu'on fasse de quoi signer demain? Oui, on va aller faire signer le... Ben, en fait, si M. Yannick est toujours là... On va aller faire signer un tome 2 de l'Académie des chasseurs de primes que Michel Lacombe nous a envoyé, qui va être signé par... Présentement, il est signé par Michel Lacombe et Benoît Godbout. Godbout. Exactement. Puis demain, on va le faire signer par Yannick Paquette. Ultimate X-Men. On va demander si j'ai de la famille avec. On va voir ce que ça donne. Ouais. C'est Eric qui a des cousins éloignés. Regarde, on va peut-être m'arriver moi avec. Mais on va faire signer ça, puis on va le faire tirer ensuite dans le podcast. Fait que c'est pas mal ça qui est ça, mesdames et messieurs. Milter, as-tu de quoi rajouter? Julie Newmar. Julie Newmar. Ah oui, c'est vrai. Julie elle était pas là aujourd'hui. Elle se posait. Non, mais demain, elle va être là. Demain, les chicks sont là. Là. Julie Newmar. Felicia Day. Non, Gillian, c'est dimanche. Gillian, c'est dimanche. Felicia Day. Ouais. Summerglow est plus là. Mel, elle va être là. Mel va être là aussi. Mel, en passant, qui s'est fait voler son Thunder un peu. Il y avait une autre fille avec une robe R2D2. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'on était juste pas pour y dire. Non, on y dit mot pour mot. Là. Avec, là. Parce que ça arrive face à face avec demain, on va y dire. Mais c'est non, mais elle n'écoutera pas l'épisode avant. Là. Donc, mesdames et messieurs, fin de notre premier épisode récapitulatif. Je viens de voir Julie Newmar, c'est plus comme qu'est-ce qu'elle avait de l'air quand elle était peu importe de quoi elle a l'air aujourd'hui, je vais toujours me souvenir de Julie Newmar comme Catwoman. Donc, on se reparle demain soir pour un autre récapitulatif. oui, on va arrêter ça là, je pense, c'est temps que... Merci d'être à l'écoute avec nous autres. On vous invite fortement. Vous avez des questions, envoyez-nous ça sur Twitter, suivez-nous live, sur Instagram, live. On va essayer de vous répondre. Si vous voulez des photos de quelque chose, Sharez nos épisodes, subscribez, suivez-moi sur Twitter. Exactement. Ben, pas juste Melter, suivez-nous tous, juste exactement. Mais ayez pas peur de communiquer avec nous autres. On va faire notre possible pour vous relayer le plus d'informations possible à propos de Ottawa Comic Con. Mesdames et messieurs, on s'ouvre une dernière bière. Ciao. Merci. Bonsoir. Bonsoir.